إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue dans l'explication de notre livre At-Thabat al-Sunnah, qui est une conférence à la base du Cheikh Rabi al-Madkhali, Hafizahullah, dans lequel il nous donne des leçons, il nous donne des conseils pour rester fermement accrochés au Coran et à la Sunnah et à la voie des Salaf Salih. Et donc, jusqu'à maintenant, Alhamdulillah, on a fait 3 cours sur ce sujet. Et on a yani, profité de beaucoup de leçons du Cheikh et de beaucoup de conseils. Et là, on va continuer donc dans la dernière partie de ce livre, Inch'Allah, qui va nous aider encore plus à comprendre les moyens de rester accrochés fermement à l'islam et à la sunna et à éviter de tomber dans des déviations et des égarements. Donc, le Cheikh, il commence maintenant en disant يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هذا أمر بالثبات على الإسلام كله جميعا عقائده وعباداته وحلاله وحرامه وسائر شعبه لا تترك شيئا شعب الإسلام والإيمان كثيرة جدا حاول قدر ما تستطيع أن لا تترك منها شيئا إلا وقمت وعملته العقائد تستوفيها والعبادات تحاول أن تعمل منها ما استطاع وقد تعجل ويعذرنا الله سبحانه وتعالى ولكن أنت عزمك على أن لا تترك منها شيئا ولا تترك شيئا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإلا تعد عليه بالنواجذ تؤمن به وتحبه تثبت عليه والواجبات والمستحبات والعقائد حاول قدر الإمكان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي لا تتركوا منه شيئا الإسلام كله لا تترك منه شيئا كما جاء في التفسير أن على الناس جميعا أن يكونوا على الإسلام كله كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le chef il commence en mentionnant le verset 208 et 209 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Oh vous qui avez cru, entrez dans l'islam dans tout ce qu'il contient, dans tout ce qu'il comprend. Entrez dans l'islam en entier. Hein? Ne prenez pas juste certaines parties de l'islam pour vous accrocher à certaines parties et laisser le reste. Accrochez-vous et rentrez dans l'islam en entier. Et ne suivez pas les pas du shaytan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré et évident. » Donc, le cheikh, il explique que ça, c'est un commandement de rester ferme et de s'accrocher sur l'islam en entier. Et ça comprend de s'accrocher à l'islam dans tous les aspects de l'islam. Dans les croyances, dans les adorations, dans ce qui est halal et dans ce qui est haram et dans toutes les autres branches de l'islam, n'abandonne rien de ces aspects de l'islam et ne laisse rien de ces aspects de l'islam. Les branches de l'islam et les branches de la foi, elles sont nombreuses, elles sont très nombreuses. Et toi, tu dois essayer d'en faire le plus possible. Tu dois essayer d'en faire le plus possible selon ta capacité. Mais essaie le plus possible également de n'en rien laisser. Hein? Chaque fois que tu apprends quelque chose ou que tu sais quelque chose, tu essaies de l'appliquer et de le pratiquer. En ce qui concerne les croyances, tu essaies de les connaître. Tout ce qui a rapport avec les croyances, tu essaies de les apprendre, de les connaître, de les comprendre. Et d'accrocher ton cœur à cette croyance. Et les adorations, tu essaies d'en faire le plus possible également. Tout ce que tu peux, tu le fais. Et si tu es incapable, ou si tu as certaines difficultés ou des limites, parce que, yani, également, comme on a dit, il y en a tellement de branches et tellement de branches de la foi et de branches de l'islam qu'on ne peut pas faire tout, mais tu fais ce que tu peux. Et tant que tu es sincère et que tu fais ton possible pour essayer de t'accrocher au plus de ce que tu peux de l'islam ou de la charia, alors pour le reste que tu n'as pas fait, Inch'Allah, Allah va nous excuser. Mais toi, tu t'accroches avec fermeté, avec détermination, et tu fais ton possible pour ne rien abandonner et ne rien laisser de l'islam et de ce qui est venu de l'islam et de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené avec lui. Et tu t'accroches à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a amené et tu mords dedans avec tes mollets, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué et nous l'a mentionné dans les hadiths. Et tu crois en ce qu'il t'a apporté et tu restes ferme et tu l'aimes, hein, que ce soit parmi les choses qui sont wajibat, qui sont obligatoires, ou les choses qui sont recommandées, hein, et également les croyances. Tu fais ce que tu peux. Qadr al-imkan. Et le cheikh, il répète encore le verset qui dit « Oh vous les hommes, oh vous qui avez cru, entrez dans l'islam en entier. Hein, ne laissez rien de l'islam, acceptez et prenez tout ce qui vient dans l'islam. Et n'abandonnez rien de l'islam, comme c'est mentionné dans le tafsir, que les gens doivent tout en entier être sur l'islam et s'accrocher tous ensemble sur l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103, dans surat Al-Imran, « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » C'est-à-dire, accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous, c'est-à-dire, vous tous ensemble, accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Après le cheikh il dit وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان مسالكه وطرقه الفاجرة ومكائده ولا تتبعها وكن منها على حذر فإنه لكم عدو إنه لكم عدو مبين ما يريد إلا إهلاك بني آدم قال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إنسان يخلقه الله ويرزقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وسهل له كل أمور حياته كيف يترك دينه ويتبع الشيطان أو يترك بعض دينه لأنه أمر باتباع كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الانحراف من آلاف البشر الكفار والزنادقة واليهود والنصارى وأهل البدع والضلال كل هؤلاء كاد لهم هذا الشيطان الخبيث فاتبعوه وصدق عليهم إبليس ظنه والعياذ بالله فلا نتبع خطوات الشيطان والمحذر من متابعته في كل شيء فإنه يجرنا إلى الهلاك يجر إلى البدع والضلال إما أن يجر إلى الشبهات والشهوات أو إلى ارتكاب الكبائر والمهالك الشيخ الزي إن سويفي فالك لبا للشيطان c'est-à-dire les voies et les chemins du شيطان qui sont des chemins de perversité et qui sont parmi les ruses du shaitan qu'il utilise pour essayer de faire en sorte que tu les suives. Donc, le musulman doit être sur ses aguets tout le temps et faire attention de ne pas tomber et de ne pas suivre le shaitan dans ses pas et dans ses chemins et dans ses ruses, parce que certes, c'est un ennemi pour nous. comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit innahu lakum aduwwun mubin, c'est un ennemi pour vous, un ennemi clair, un ennemi évident, un ennemi déclaré. Et la seule chose qu'il veut des fils d'Adam, c'est les égarer et les amener à leur perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 50 dans surat al-Kahf, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Est-ce que vous allez prendre le shaytan de même que ses enfants comme des awliyas, c'est-à-dire comme des alliés, des protecteurs, alors que ce sont des ennemis pour vous? C'est une mauvaise échange qu'ils font ces gens-là, ceux qui utilisent ou qui prennent pour allier le shaytan. C'est une injustice de leur part, qu'est-ce qu'ils font, du fait qu'ils prennent pour allier le shaytan qui est leur ennemi, au lieu de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme allié et comme protecteur. Donc, un être humain que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa subsistance et il a assujetti pour lui tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et qui lui a facilité tous les moyens et toutes les affaires de sa vie, comment cet être humain-là peut abandonner Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion et suivre le shaytan? Ou abandonner une partie de sa religion s'il n'a pas abandonné tout? Il abandonne une partie de sa religion pour suivre le shaytan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre tout ce qui a été apporté et amené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas une partie seulement, mais de suivre tout ce qui est ramené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shaykh il dit donc cet égarement qu'on retrouve des milliers d'êtres humains sur la terre, parmi les kuffars, parmi les hérétiques, les zanadiqas, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les gens de Béda, les gens d'innovation et d'égarement, tous ceux-là, ils sont tombés dans la rue et dans les pièges du shaytan. Le shaytan, il a essayé, il a travaillé pour les égarer, pour les faire tomber dans ses pièges, et ils sont tombés dans ses pièges à cause de ça. Donc, ce shaytan, ce shaytan, al-Khabib, ils l'ont suivi, et ils ont pensé du bien de lui, wal-iyadu billah. Donc ils l'ont suivi, ils ont suivi ses pas. Donc il faut faire attention, il faut prendre nos gardes de ne pas le suivre dans quoi que ce soit, parce que ça nous amène à notre perte. Ça nous amène aux innovations et à l'égarement. Et le shaykh dit que soit que ça nous amène vers les shubuhat, les doutes et les ambiguïtés dans la religion, et al-shahawat, al-shubuhat. Beaucoup de gens, des fois, ils répètent le mot shubuhat, ils traduisent par le mot doute, par ambiguïté. Mais c'est pas très clair comme traduction, comme explication. Parce que les shubuhat, en fait, c'est des choses qui peuvent sembler aux gens comme étant des choses vraies en apparence. Mais c'est parce qu'on les a mélangées. On a mélangé un mensonge avec de la vérité. Ou bien on a pris un mensonge et on l'a recouvert de quelque chose qui ressemble à ce qui est vrai. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les shubuhat. Parce que ça crée de la confusion dans l'esprit des gens. Quand ils entendent une parole ou ils voient quelque chose, ils s'imaginent que ah mais ça ressemble à la vérité, donc c'est vrai. Alors qu'en dessous de cette apparente vérité, il y a un mensonge qui est caché. Mais peu de gens peuvent le reconnaître ou le comprendre parce que parfois il manque à certains individus un certain niveau de connaissance pour être capable de démasquer ces fausses, ces mensonges enjolivés ou ces mensonges enrobés de vérité, hein, d'apparente vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle des shubuhat dans la religion, dans la croyance et dans la compréhension de la religion, et également par les shahawat, c'est-à-dire les tentations, les désirs, les plaisirs charnels et les plaisirs de la dunya, qui sont des choses qui peuvent amener des gens à tomber dans le péché, et également faire attention à ne pas faire des kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés qui sont les péchés au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des menaces dans sa révélation et des châtiments, des punitions. Et parce que ça, ces péchés-là, ça mène vers ta perte. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Le cheikh il dit « وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع الشيطان في أي أمر من الأمور أبدا لا في أبواب العقائد ولا في أبواب العبادات والمعاملات وما شاكل ذلك حرم الله علينا البدع أشد التحذير وحرم علينا الكبائر وتوعد عليها بأشد صنوف الوعيد كلها مسالك شيطانية كلها مسالك شيطانية تتبع فيها عدو الله وعدوك وهو الشيطان اتخذ الله وليا واتخذه ناصرا وهاديا واتخذ الشيطان عدوا ومن علامات أنك عدو صادق للشيطان أنك ثابت على الحق وأنك دخلت في السلم كافة فإذا أخللت بهذا فإذا أخللت بهذا باتباع شيء من الشهوات أو باتباع شيء من الشبهات الكفرية أو البدعية فقد اصطادك الشيطان وأصبحت لعبة في يده كيف تنسى الله وتنسى نعمه التي أصبغها عليك ظاهرا وباطنا وصفر لك ما في السماوات والأرض ثم ترمي بنفسك في أحضان هذا العدو يفعل بك ويقودك إلى المهالك والعياذ بالله Le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam du fait de suivre le shaytan. Donc, quoi que ce soit des affaires, yani, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, yani, de ne jamais suivre le shaytan. Et ça, c'est des avertissements qui sont répétés dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est pas seulement le cheikh il dit, là, fi abwab al-aqaid, wa la fi abwab al-ibadati wa al-mu'amalat. Wa ma sha'akala dhalika, c'est-à-dire, tu ne dois pas suivre le shaitan dans rien de ces aspects-là. Dans les aspects des croyances, dans les aspects des adorations, et dans les aspects des interactions qui sont entre toi et les autres individus et les autres êtres humains qui composent la société, que ce soit tes parents, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit les musulmans en général, que ce soit les dirigeants, que ce soit les koufars, hein, tous ces gens-là, la façon dont tu interagis avec eux, tu dois interagir avec eux selon les règles de la charia, et selon les règles de la révélation, et tu ne dois pas suivre les pas du shaitan dans rien de ces choses-là. Hein. Donc, وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْبِدَعُ وَأَشَدَّ التَّحْذِيرُ Hein, et tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis, il nous a interdit contre les innovations. Il nous a interdit les innovations et il nous a avertis contre les innovations par des avertissements sévères. Il nous a interdit également les grands péchés. Il nous a également menacés. Hein, il nous a promis qu'il y a des menaces sévères au sujet de ces péchés-là. De toutes ces catégories de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces voies sont des voies du shaitan. Toutes ces voies sont les voies du shaitan. Et des fois, les gens, ils oublient ça, ils ne prennent pas ça en considération. Hein, ils voient que des gens se font appeler à toutes sortes d'idéologies, à toutes sortes de tendances, à toutes sortes de pratiques, à toutes sortes de choses hein, auxquelles ils sont invités. Par les koufars, par les gens de bid'ah, par d'autres individus également. Et ils pensent que c'est juste des idées comme ça et ils oublient que derrière ces idéologies-là, derrière ces tendances que les gens, auxquelles ces gens-là les appellent, il y a le shaitan qui est derrière. Hein? Même si vous voyez plein de différents noms et de différentes images ou de différentes bannières, derrière tous ces noms, derrière toutes ces différentes invitations à différentes idéologies, il y a une seule chose qui est derrière tout ça, c'est le shaitan. Adoullah. Donc le cheikh il dit, toutes ces voies-là, c'est les voies du shaitan, alors ne suis aucune d'entre elles. C'est l'ennemi d'Allah et c'est ton ennemi. Et c'est le shaitan. Donc prends Allah subhanahu wa ta'ala comme ton wali, comme ton protecteur, comme ton allié, et prends-le comme ton défenseur, et prends-le comme ton guide, comme étant ton guide, et prends le shaitan comme étant ton ennemi. Prends le shaitan comme ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une ayah, « Inna shaytana kana lakum aduwan, fattakhidhu. Inna shaytana kana lakum aduwan, fattakhidhuhu aduwa. » Non seulement lui, il est ton ennemi, Mais ce n'est pas suffisant juste de savoir qu'il est ton ennemi. Toi, tu dois le prendre comme ton ennemi. Hein? Parce que si lui, il est ton ennemi, mais toi, tu le prends comme ton allié, là, il y a un problème. Hein? Parce qu'il va continuer à te faire du tort, et à te nuire, et à t'égarer. Mais non seulement il est ton ennemi et tu le sais, mais tu agis envers lui, envers le shaitan, comme ton ennemi, et comme ton plus grand ennemi. Et donc, comment tu agis avec un ennemi d'habitude? Hein? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu acceptes ce qu'il te demande? Est-ce que tu acceptes ses suggestions? Et tu es d'accord avec lui? Non. Son ennemi, tu le rejettes, tu t'éloignes de lui, tu t'enfuis de lui, tu ne veux rien savoir de lui. Eh bien, il y a des gens parfois, ils oublient que le shaitan c'est leur ennemi et ils ne le prennent pas comme ennemi. Et c'est ça ce qui fait que souvent ils tombent dans ces ruses. Et le shaitan il dit, si tu veux savoir, et si tu veux avoir une preuve ou un signe que tu as, que tu es vraiment un ennemi sincère du shaitan, et que, يعني, ومن علامات أنك عدو صادق للشيطان, si tu veux savoir si tu es un ennemi sincère contre le shaitan, alors ce signe-là c'est quoi? C'est que tu restes accroché fermement à la vérité. Tu restes accroché fermement à la vérité. Et que tu rentres dans l'islam en entier. Hein? Donc tu t'accroches fermement à la vérité. Ce qui vient d'Allah, ce qui vient dans le Coran, ce qui vient dans la Sunna, ça c'est des vérités absolues. Inébranlable. Tu t'accroches à ces vérités-là et tu ne laisses personne ni rien te détourner de cette vérité-là, ni à gauche ni à droite, peu importe qui il est. Hein? Et donc, si tu restes accroché fermement à ça, tu es sur le haq. Inch'Allah, ça c'est la preuve que tu es un ennemi hein, du shaitan et que yani, tu es sincère dans ta haine et dans ton opposition au shaitan. Et que tu es rentré dans l'islam en entier. Le Cheikh il dit « فَإِنْ أَخْلَلْتَ فَإِنْ أَخْلَلْتَ بِهَذَا » Si tu as eu des manquements ou des faiblesses ou des écarts dans ta façon de suivre la vérité en suivant une partie de tes passions ou quelque peu de tes passions et de tes désirs ou bien de suivre quelques-unes des choubouhats qui sont reliées au kufr ou bien des choubouhats reliées à la bid'a. Ça veut dire que le shaitan, il est en train de te chasser. Il est en train de te pourchasser. Hein? Il est parti à la chasse. Et tu fais partie de ses proies et de ses cibles. Il est en train de t'attaquer, de te chercher. Il veut t'attraper. Et tu es devenu un jeu pour lui. Il joue avec toi. Il t'a mis dans sa main et il joue. Il s'amuse avec toi. Alors, comment tu peux oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment tu peux oublier les miséricordes et les grâces qu'il a mis sur toi. C'est des grâces qu'il a mis sur toi et qui sont en apparence et également qui sont à l'intérieur. Il y a des grâces qu'Allah te donne en toi-même, dans ton extérieur, c'est-à-dire dans les biens qu'il a mis sur toi ou qu'il a mis autour de toi, que ce soit dans tes biens ou dans tes richesses ou dans ta santé ou dans d'autres choses. Et il y a également des ni'am, des grâces qu'il t'a données, qui sont intérieures, qui sont cachées, que ce soit l'intelligence, que ce soit d'autres choses également, qui sont à l'intérieur de toi. Donc toutes ces choses-là, Allah te les a données, et il a assujetti les cieux et la terre pour toi. Et toi, par la suite, tu te jettes dans les bras du shaitan, et dans les ruses du shaitan, qui est ton ennemi, hein, et tu le laisses te guider et t'amener vers ton égarement et ta perte. Ah. Donc ça, c'est le chef qui demande, qui dit ça, ces choses-là, il dit que Allah nous protège de ces choses-là. Amen. Donc le chef dit Allah a'taka al-sam' wal-basar wal-aql limada li-ta'rifu haqq Allah li-ta'rifu haqq Allah tabaraka wa ta'ala wa huquq al-ibad wa taquma biha qala tabaraka wa ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذه نعمة عظيمة أنعمها الله عليك لتستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى لتستقيم في هذه الحياة ولتثبت على شرع الله وتدخل في دين الله كافة ما تترك منه شيء ولكن حذرك الشيطان وبين أنه عدو لك في غير ما آية قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين للشيخ الزي الله سبحانه وتعالى il t'a donné lui, il t'a donné la vue, il t'a donné la raison. Pourquoi il t'a donné tout ça? Pourquoi il t'a donné tout ça? Il n'a pas donné à d'autres. Il t'a donné ça pour que tu connaisses le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi et pour que tu connaisses également les droits des autres créatures sur toi et pour que tu puisses les mettre en application et pour que tu puisses les respecter et les appliquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Isra, le verset 36, وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne dis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Hein? Et si vous regardez dans le tafsir de ce verset, les salafs, ils ont expliqué la signification de ce verset-là. Ne dis pas j'ai vu alors que tu n'as pas vu. Ne dis pas j'ai entendu alors que tu n'as pas entendu. Ne dis pas j'ai su ou j'ai compris alors que tu n'as pas su et que tu n'as pas compris. Tu te limites à qu'est-ce que tu sais. Voilà, taqfuma laysa laka bihi ilm. Ne dépasse pas les limites. Hein? Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Et après, dans le verset, Allah Ta'ala dit, lui, la vue et le cœur, tu seras questionné pour toutes ces choses-là. Tu seras questionné pour toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Allah t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et donc ça fait partie des grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi pour que tu puisses les utiliser, pour que ça t'aide dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont comme des outils que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour que tu les utilises dans le bien et pour que tu les utilises et que ça te vienne en aide dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu sois droit dans ta vie et dans ton existence et pour que tu restes ferme sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que tu puisses entrer dans la religion d'Allah en entier sans rien en laisser. Et d'un autre côté, en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a averti contre le shaytan. Hein? Il t'a averti contre le shaytan et il t'a clarifié le fait que c'est ton ennemi. Et pas dans un seul verset, dans plusieurs versets dans le Coran. Donc il y a d'un côté les outils et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala te donne pour être capable de trouver la vérité et de la suivre et de l'appliquer, mais en même temps, il t'avertit, dit, attention, il y a un ennemi que j'ai mis là pour vous, et celui-là, faites attention, il essaie de toutes ses forces, de toutes ses capacités de vous faire dévier et de vous égarer du droit chemin. Alors prenez-le comme un ennemi et faites attention de ne pas le suivre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont oublié qu'il y a cet ennemi-là qui travaille pour essayer de les faire sortir du droit chemin. Hein? À plusieurs niveaux et à plusieurs degrés. Et le shaitan, il a ses ruses pour chaque catégorie, et chaque niveau de foi, et chaque niveau de pratique de l'islam. Si tu es un pratiquant et que tu es fort dans ta religion, et que tu as une bonne base dans ta religion, il a des ruses spéciales pour toi. Si tu es une personne un peu faible dans ta religion, moins pratiquant, il a d'autres ruses pour toi. Chacun selon son niveau et sa catégorie. Pense pas que parce que toi tu pratiques l'islam, ou que tu es sur la salafia, ou que tu es sur le bon manhaj, que tu es épargné des ruses du shaitan. Au contraire. C'est dans ce cas-là qu'il vient plus fort contre toi, et qu'il travaille le plus contre toi. En fait, plus que tu t'avances dans ta connaissance, plus que tu avances dans ta pratique, plus que tu t'approfondis dans ta compréhension de l'islam, plus que le travail du shaitan va être dur contre toi. Et il y a des frères qui nous avertissaient même avant de partir à l'université islamique. Ils disaient, ne pensez pas que là vous avez de la difficulté maintenant, vous êtes au Canada ou en France, vous avez de la difficulté à pratiquer l'islam, vous pensez que vous allez étudier l'islam, ça va être facile. C'est là, du moment que vous allez commencer à étudier l'islam, que le shaitan va travailler le plus fort contre vous, pour vous faire abandonner, pour vous faire cesser, pour vous faire tourner le dos, et pour vous faire baisser les bras, ou pour vous occuper, ou vous préoccuper par d'autres choses, pour vous divertir par d'autres choses, ou pour vous faire vous concentrer sur des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, ou pour vous égarer. Hein? Tandis que les gens qui sont dans les passions, dans les péchés, et qui sont insouciants par rapport au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a déjà dans sa poche. Les koufars, le shaitan, il les a dans sa poche. Hein? Les mushrikines, il les a pris déjà dans sa poche. Il travaille pas fort, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire contre eux. Mais contre les gens qui sont sur l'islam et qui s'efforcent à être sur la droiture et à pratiquer et à suivre le droit chemin et à comprendre sa religion et à la pratiquer avec connaissance et compréhension, il met tous ses efforts, il envoie sa cavalerie et il ne les laisse pas en répit, jamais. Du début de la journée jusqu'au soir, il vient et il ne te lâche pas. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces ruses du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 60, dans surat Yassin, n'est-ce pas que j'ai pris un engagement avec toi, ô fils d'Adam, que tu n'adorerais pas le shaitan? Certes, c'est un ennemi évident pour vous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset qu'il a pris un engagement qu'on n'allait pas adorer le shaitan. Le shaykh, il dit, « Afada alayhim, kull al-mawathiq, أن لا يعبد الشيطان وعبادته قد تكون الإسلام وقد تكون طاعته في الشرك وقد تكون طاعته في المعاصي وقد تكون من أهل الشهوات والعياذ بالله والمعرضين للجحيم أو من أهل الشبهات من أهل البدع والضلالات نتمثل أمر الله سبحانه وتعالى نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات فهو يأمرنا بالثبات وبالاستقامة وبالاتباع وبالاعتصام وبالدخول في السلم كافة يحذرنا من الشيطان يحذرنا من التفرق يحذرنا من البدع قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Le shaykh, il dit, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris une entente, il a pris des ententes avec les fils d'Adam qui n'adoreraient pas le shaytan. Et son adoration pourrait être dans l'islam, de même que ça pourrait être, son obéissance pourrait être dans le shirk, pourrait être également dans l'obéissance du shaytan dans les péchés. Ou dans le fait également de suivre les gens qui suivent leur passion, que Allah nous en protège, qui sont menacés de l'enfer, ou bien dans le fait d'obéir aux gens qui suivent leur shubuhat, ou qui suivent les gens de bida et les gens d'égarement. Donc tout ça, c'est des moyens par lesquels on peut tomber dans l'égarement et dans l'obéissance du shaitan, de suivre ces gens-là. Donc il faut faire attention. Et il faut respecter et mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de rester ferme et de rester droit et de suivre, de faire al-ittiba et de s'accrocher fermement à la vérité, à l'i'tisam et de rentrer dans l'islam en entier. Et il nous avertit contre le shaitan, et il nous avertit contre la division également. La division, ça c'est dangereux. Et on nous avertit contre les innovations. Et une des plus grandes causes des divisions, c'est les innovations. Le cheikh, il mentionne le verset dans Sourate Shura, justement, qui parle des innovations, le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah » Est-ce qu'ils ont des associés? Est-ce qu'ils ont pris des partenaires dans la religion qui leur légifère des choses que Allah n'a pas permis? Est-ce qu'ils ont pris des partenaires ou est-ce qu'ils ont attribué des partenaires à Allah qui leur légifère des choses dans la religion qu'Allah n'a pas permis? وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc le shaykh il dit « Kalamun khatirun, in ittaba'ta ashab al-bid'a wa al-dalalat, wa attakhadta ba'dahum musharri'in, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah, ba'du an-nas yufassiruha tafsiran siyasiyan faqad, وهي تشمل النواحي السياسية والعقائدية وغيرها وشياطين الإنس والجن يشرعون لك وقد يشرعون لك شيئا يخرجك من الإسلام بالكلية وشيئا لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحللته مثلا نسأل الله العافية الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحله كفر لأنه اتخذ مع الله شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشاهد أن هذه الآية تشمل كل جوانب الدين أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله يدخل فيها أهل البدع ورؤساء الضلال فهم كذلك مشرعون لا نأخذ عنهم ولا نعاملهم نحذر الناس منهم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هناك دعوات سياسية لا هم لهم إلا الصراع السياسي لا هدي الأنبياء وإصلاحهم العقدي والمنهجي فهذا شيء معروف وملموس وواقع هذا دليل على عدم الصدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى للشيخ لكسليك Donc ce verset dans lequel Allah il dit, est-ce qu'ils ont pris des partenaires hein, dans la religion? Est-ce qu'ils ont pris des partenaires? Ils ont attribué à Allah des partenaires en légiférant des choses dans la religion qu'Allah n'a pas permises. Donc il y a des gens qui interprètent ce verset-là, hein, il y a des gens qui interprètent ce verset-là d'une explication uniquement politique. Et ils limitent la compréhension de ces versets à la compréhension politique uniquement. Et donc, il faut faire attention à ces interprétations de l'islam qui se limitent à des interprétations politiques. Parce que la réalité, c'est que cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se limite pas aux lois et aux règles et aux applications dans la législation que les gens peuvent faire dans la dunya, mais elle s'applique à tous les aspects de la religion et à tous les aspects de la vie. Dans le fait de légiférer dans les croyances, dans le fait de légiférer dans la pratique religieuse, dans le fait de légiférer dans tous les autres aspects également de la religion, que ce soit politique, ou que ce soit dans les croyances ou autres. Et les shayatin, les diables parmi les hommes, les diables parmi les djinns, ils légifèrent pour toi. Ils essaient de légiférer pour toi et de faire des lois pour toi. Hein? Pour t'égarer du droit chemin. Donc, il y a des choses qu'ils légifèrent pour toi, pour te faire sortir de l'islam au complet, et il y a des choses qu'ils légifèrent pour toi, qui ne te font pas sortir de l'islam, excepté si tu les rends halal, excepté si tu les, déclares permises, et que tu crois qu'elles sont halal pour toi. Donc, par exemple, le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé. Par exemple, le cheikh dit, par exemple, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner d'une chose pareille. Celui qui rend cette chose halal, il a mécru. Celui qui rend le fait de juger par autre que ce qu'il a révélé, il rend ça halal, il a mécru. Il a rejeté la foi en l'islam. Parce qu'il a pris des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans la législation. Et le cheikh il dit, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ Est-ce qu'ils ont attribué des partenaires à Allah qui ont légiféré pour eux des choses dans la religion que Allah n'a pas permises? Et qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, الشاهد أن هذه الآية تشمل كل جوانب الدين. كل جوانب الدين. Le point que le cheikh veut tirer de ce verset-là, c'est que ça implique tous les aspects de la religion. Pas seulement comme certains groupes, comme les Ikhwan, ou d'autres tendances également, comme les Sururiyin ou les Qutbiyin, qui ne se concentrent que sur Al-Hakimiyya, et qui ne se basent sur le takfir que sur Al-Hakimiyya, pour concentrer leur efforts sur l'aspect politique. Pourquoi? Pour arriver au pouvoir, pour faire des luttes entre les gens, pour arriver à prendre le pouvoir et pour soi-disant établir l'islam. Mais la réalité, c'est pas qu'ils veulent établir l'islam, c'est juste qu'ils veulent établir eux-mêmes sur la chaise, sur le trône. Ils veulent être là-bas et ils sont prêts à tout faire pour y arriver. Et ils vont même utiliser la religion pour essayer d'y arriver à leur but, à leur objectif. Et ils interprètent la religion d'une interprétation politique. Et ils ne parlent que de cet aspect-là, et ils ne se concentrent que sur ça. Les souris, Qutbiyin, Ikhwan, et les autres personnes de ces tendances-là. Donc le cheikh, il est en train de nous avertir contre ces gens-là. Parce que ce n'est pas ça la darwa des Anbiya. Les prophètes ne se sont pas concentrés sur ces choses-là et sur ces aspects-là de cette manière. Ils se sont concentrés sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et appeler les gens au tawhid et à les sauver de l'idolâtrie et du shirk. Et le fait d'associer des alliés et des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Hein? Et également, des gens qui légifèrent des choses et qui rendent halal ce qui est haram ou qui veulent rendre haram ce qui est halal. Hein? Ça aussi, ça rentre là-dedans, mais ce n'est pas le point le seul sur lequel on doit se concentrer. On doit prendre la religion en entier, comme le cheikh l'a dit. Autre l'autre, c'est lui, qu'est-ce ça? Pourquoi limiter les choses uniquement à cet aspect-là et à cette partie-là? C'est ça le problème. Donc le cheikh il dit, les gens qui rentrent dans cette description-là, dans ce verset, « Shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihillah », ceux qu'ils ont pris comme des gens qui légifèrent des choses dans la religion qu'Allah n'a pas permise, ce sont qui? Ce sont les têtes des gens de Bid'a, les chefs parmi les groupes de Bid'a et les gens de Bid'a, qui légifèrent des choses dans l'adoration et dans la religion qu'Allah n'a pas permise. Hein? Et les chefs et les responsables des gens de l'égarement. Ça aussi, c'est des législations qu'ils font. Hein? Quand quelqu'un te dit, on a le droit de faire le Mawlid al-Nabawi, d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? C'est une législation qu'ils ont fait en faisant ça. Ils permettent dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis. Ça aussi, c'est une forme de législation dans la religion. Et c'est le fait d'associer des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation et dans la religion. Pourquoi les Hizbiyyin et les autres gens de Bid'a, ils ne se concentrent pas sur la dénonciation de ces genres d'innovation et ce genre de contradiction à la charia, du fait que des gens inventent ce genre de choses dans la religion? Hein? Et également, donc le cheikh dit, « Farum kadhalika musharri'un » Eux aussi sont des gens qui font des législations, ces gens-là, les gens qui appellent à la Bid'a. Hein? Et on ne doit rien prendre, on ne doit pas avoir aucune relation avec eux, et on doit avertir les gens contre eux, à leur sujet. Hein? Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on avertit contre eux? Parce qu'on veut donner le bon conseil aux musulmans, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre, pour son messager, et pour les dirigeants des musulmans, de même que pour les musulmans en général. Le cheikh il dit, il y a des groupes, des organisations qui invitent à des choses qui sont uniquement et purement politiques. Ils n'ont aucun intérêt dans la religion, il n'y a rien qui les préoccupe et qui les intéresse que de parler de ces sujets-là et de s'intéresser à la politique et à ces choses-là. Hein? Les conflits et les luttes politiques, c'est ça leur intérêt seulement. Et ils ne veulent pas se baser et prendre comme guide et comme référence pour faire leur da'wa les prophètes d'Allah, et de corriger la aqida des gens, la croyance des gens. Les musulmans aujourd'hui, dans leur croyance, ils ont un paquet de contradictions avec le Coran et la Sunna. Ils ont plein d'idées, plein de croyances qui sont contraires à l'islam, et on les laisse sur ces égarements-là, et on les laisse sur ces mauvaises compréhensions-là, et on se concentre uniquement sur des choses politique, où on laisse les gens dans l'égarement et dans l'ignorance, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et est-ce que c'est ça la voie des messagers et des prophètes, alayhi salatu wassalam, si on retourne à l'exemple et à la vie et à la da'wa des messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, on ne voit pas ce genre d'attitude-là et de ce genre de comportement-là. La chose sur laquelle ils se concentraient en priorité et en premier de tout, c'était toujours le fait de corriger les erreurs de leur peuple, les erreurs qu'ils avaient dans la croyance et dans l'adoration. C'est là-dessus qu'ils se concentraient avant toute chose. Hein? Et les autres choses, ça venait par la suite. Mais le début, c'est ça. Parce que quand tu meurs, et quand tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, si ton tawhid il est pas correct, et si ta aqida elle est pas correcte, et si tu as du shirk, et tu as des idées qui sont en compte dans des idées de kufr ou autres, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection? Est-ce que Allah va te poser des questions au sujet de tel gouvernement ou de telle politique ou de tel dirigeant? Ou bien il va te poser des questions sur toi, qu'est-ce que toi t'as cru et qu'est-ce que toi t'as fait? Et que t'as laissé des gens qui adoraient les awliya, qui adoraient les saints, qui adoraient les tombes, hein? Et nous on prend ça à la légère, on prend ça pour acquis, comme si c'était pas grave, hein? Donc, le cheikh il dit donc que les prophètes, ils se concentraient sur le fait de réformer la croyance et la voie des gens, la méthodologie des gens. فَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ مَلْمُوسٌ وَوَاقِعٌ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَمِ الصِّدْقِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Le fait que tu vois des gens qui se préoccupent uniquement de la politique et des aspects politiques de la vie, quand ils parlent de religion, ça c'est une chose qui est connue et qui est palpable, qui est réelle, c'est la réalité, et c'est, le cheikh dit, et c'est la preuve qu'il n'y a pas de sincérité dans la da'wah. Il n'y a pas de sincérité dans la da'wah. Parce que si tu es sincère, tu appliques la religion comme Allah t'ordonne de l'appliquer. Et tu ne suis pas la religion par rapport à qu'est-ce qui plaît aux désirs et aux passions des gens. Tu appliques la religion par rapport à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ikhlas et en suivant la sharia et l'exemple de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour toi, pas pour d'autres intérêts de la dunya, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit « As-sadiqu fi da'watihi ila Allah yattabi'u tariq al-anbiya bima yabda wa bima yantahi » الدعوة لها بدايات ولها منطلقات ليس كل واحد على طريقتي فهذا شيء رسمه الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل رسول هذه دعوته محاربة الشرك ووسائله ومظاهره هذه دعوة الرسل كيف تتركها عبادة القبور تعطيل الصفات الحلول وحدة الوجود ضلالات كلها من اتباع خطوات الشيطان ضلالات كلها من اتباع خطوات الشيطان كيف تترك الناس يتبعون خطوات الشيطان يتبعون هذا العدو ولا تبين لهم كيف تنصب نفسك داعية لا تبين لهم كيف تنصب نفسك داعية إلى الإسلام وهذا حالك أين الأمانة أين النصح للشيخ دي لا personne qui est sincère dans sa da'wa quand il veut appeler les hommes et inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait quand il est sincère? Il suit l'exemple des prophètes. Et les prophètes, comment ils faisaient la da'wah? Et comment ils appelaient les hommes à l'islam? Et comment ils appelaient les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas si compliqué que ça de comprendre la réalité. C'est pas si difficile que ça de comprendre. La réalité, les gens aujourd'hui se posent des milliers de questions sur la da'wa. Tu n'as qu'à regarder le Coran et la Sunna. Tu regardes comment les messagers d'Allah ont appelé à l'islam. Comment ils ont agi envers les gens. Comment ils ont agi envers leur peuple. Comment ils ont agi envers leurs dirigeants. Comment ils ont agi envers tous les êtres humains. Sur quoi ils se sont concentrés. Et comment ils ont travaillé. Imaginez-vous. Qu'aujourd'hui on est à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire sa da'wah et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis l'islam à son époque avec son peuple dans sa société à l'époque, comment il a fait sa da'wah et regardez les gens d'aujourd'hui qui invitent à l'islam et comparez leur da'wah et leur travail à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'exemple des autres messagers, des autres prophètes, comment ils agissaient. Comment ils appelaient au message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils utilisaient le langage ou, disons, est-ce qu'ils allaient rentrer dans le jeu des mouchriquines et des kuffars pour accepter leur système et leurs principes et commencer à dire on va accepter ce que vous nous dites, hein, comme Quraysh par exemple, qui sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois et lui ont dit on va s'arranger, on va faire une entente, une année vous allez adorer les idoles avec nous, puis une autre année on va adorer Allah avec vous seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé à ce moment là قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم إلى آخر الآية. C'est-à-dire, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Moi, j'adore Allah seul. Et vous, vous adorez des idoles, et vous prenez des intermédiaires entre vous et Allah, et vous prenez des intercesseurs entre vous et Allah. Au lieu, quand vous voulez prier, au lieu de demander quelque chose à Dieu seul, vous demandez à un saint, ou à quelqu'un qui est dans sa tombe, ou à une statue qui représente un homme pieux que vous avez connu dans le passé, ou qui représente un ange, ou qui représente un astre, ou quelque chose de ce genre. Yani, pourquoi vous abandonnez pas ça et vous adorez pas Allah seul comme moi? Parce que Allah, c'est le seul qui crée tout. C'est le seul le maître de toutes choses. Hein? Est-ce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre? Demandez à n'importe quel chrétien, il va vous dire non. C'est pas Jésus qui est le créateur des cieux et la terre. C'est pas lui qui contrôle tout. Alors pourquoi vous l'adorez alors? Pourquoi vous laissez pas celui qui est créé et vous adorez pas le créateur lui seul? Hein? Donc c'est ça le message des prophètes. Et c'est là-dessus qu'ils se concentraient. Ils n'allaient pas faire de compromis dans ce message et dans cette da'wah et dans ce fondement qu'ils avaient. Et ils n'allaient pas passer par d'autres moyens pour arriver à parler de ça ou expliquer ça. Hein? Mais aujourd'hui, les gens ils font des compromis parce que ils ont pris le tawhid et les fondements de la religion comme quelque chose de secondaire, comme quelque chose qu'ils mettent dans la marge de la religion, comme si c'était quelque chose de secondaire. Et à quoi ils donnent la priorité? À la politique, au social, à l'économie, et aux autres aspects de la vie. Hein? Et ils pensent que si on a une économie forte, et qu'on a une société qui est basée sur soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent la justice sociale, et tous les autres trucs auxquels ils appellent, même si on n'a pas le temps, c'est pas grave. L'important, c'est que notre société est bien organisée et que notre économie est forte. On a le PIB le plus fort, et etc., etc. Puis le tawhid, l'adoration d'Allah seul, ça c'est un détail. C'est pas grave pour eux. C'est pas ça l'important. L'important, c'est soi-disant les objectifs. D'atteindre les objectifs de créer une société qui est équilibrée et stable, et dans le sens que, en apparence, tout le monde est correct. Même si à l'intérieur tout le monde est divisé, tout le monde croit à quelque chose de différent, tout le monde a un dieu différent, tout le monde adore le shaitan ou qu'est-ce que le shaitan invite les hommes à adorer, et ça c'est pas grave. Hein? Lui il croit à Bouddha, lui il croit à Krishna, l'autre il croit à je sais pas quoi d'autre encore, et puis tout le monde vit leur vie, on achète, on vend, on travaille, on dort, on meurt, et puis c'est pas grave par la suite. Chacun son dieu et tout le monde est content parce qu'on a tous quelque chose à manger et on dort. Non, ça c'est pas pour ça qu'Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et pour combattre, les messagers ont été envoyés pour combattre toute l'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie, tout ce qui est adoré en dehors du Créateur. Et de ramener l'humanité à l'adoration du Dieu seul, du Créateur de l'univers. Et de suivre la voie des messagers. Et de l'adorer, Allah, de la manière que les messagers nous ont ordonné de l'obéir et de l'adorer. Donc, beaucoup de gens passent à côté de ça. Et ils oublient le message fondamental. Donc, il faut suivre. Il faut commencer dans cette da'wah par ce que les prophètes ont commencé. Et il faut suivre la voie que les prophètes ont tracée. Et leur voie, elle était une seule et unique voie. Il n'y avait pas un prophète qui venait avec le judaïsme, un autre prophète qui venait avec le christianisme, un autre prophète qui vient avec X ou Y ou Z. Tous les prophètes d'Allah sont venus avec un seul message fondamental, la ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, comment tu veux dire il y a d'autres voies ou d'autres chemins pour adorer Allah? Ils étaient tous d'accord. Moïse, il était d'accord. Ibrahim, il était d'accord. Isa, il était d'accord. Jésus, il était d'accord. Moïse, il était d'accord. Tous les prophètes d'Allah, ils étaient tous d'accord sur un point fondamental. La ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté le Créateur, excepté Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les êtres humains, c'est faux. C'est un mensonge. C'est de l'idolâtrie de faire ça. De prier à un homme, un être humain, de prendre Jésus comme un intermédiaire entre toi et Dieu, ça c'est de l'idolâtrie. Et même Jésus lui-même, il disait ça. Isa, alayhi salam, il disait aux hommes, n'adorez que Dieu, adorez Dieu seul. Aujourd'hui, tu trouves un chrétien qui te dit, au nom de Jésus. Et quand il prie à Jésus, et il prie à Marie, et il prie à Joseph, et il prie à Saint, je ne sais pas quoi encore, X, Y et Z. Et il y a des musulmans, dans les pays musulmans, qui font la même chose, au nom de l'islam. Il prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande la baraka, il prie les awliya et les saints parmi les hommes pieux qui sont morts parmi les grands savants de l'islam ou bien parmi des individus qui se sont présentés comme étant des hommes pieux et qui ont été enterrés, ils ont construit sur leur tombe des mausolées. Et ils les adorent en dehors d'Allah, ils font des pèlerinages à leur tombe et ils croient que c'est ça l'islam. Hein? Et les gens qui ont fait ces da'awat, sururiya, tutbiya, ikhwaniya et les autres, ils voient des musulmans qui vont faire ces choses-là et ils se taisent, ils ne disent rien à ce sujet-là. Ils laissent les musulmans se noyer dans ces formes de shirk et d'idolâtrie-là, comme si ce n'était pas grave, comme si c'était quelque chose de secondaire, alors que c'est la priorité dans la da'wah des messagers d'Allah. Hein? Nous, on prend ça à la légère. Le cheikh, il nous dit, il mentionne le verset dans sourate An-Nahl, en lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons ressuscité dans chaque nation un messager qui est venu pour dire à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du Tarot. Adorez Allah seul et écartez-vous du Tarot. Le Tarot c'est quoi? Le Tarot c'est le shaitan. Le Tarot c'est les idoles. Le Tarot c'est les faubourgs que les gens adorent, les tombes que les gens adorent. C'est ça, tout ça c'est des formes de tawari. Il y en a qui considèrent que le Tarot c'est juste un dirigeant qui est injuste ou qui fait de l'injustice, un tyran ou un dictateur. Et il laisse les gens tomber dans l'égarement, dans le shirk, dans les bédards, dans tout. Il se concentre juste sur une chose. Il laisse la voix des messagers et des prophètes pour se concentrer sur des choses qui ne les regardent même pas. Et que même s'ils vont travailler toute leur vie pour essayer de changer quoi que ce soit là-dedans, ils n'arriveront jamais à changer quoi que ce soit là-dedans. C'est juste à perdre leur temps à parler du matin jusqu'au soir de choses au sujet desquels ils n'ont aucun pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? « Min husni islam al-mar, tarkuhu ma la ya'ni. » Parmi les choses qui font de quelqu'un qui a un bon islam, c'est qu'il abandonne, il laisse ce qui ne le concerne pas. Hein? Donc toi, tu n'es pas relié à ça, tu ne touches pas à ça, ni de près ni de loin. Qu'est-ce que tu vas changer? Hein? Tu penses que tu vas changer quelque chose dans ces choses-là? Concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux changer. Et concentre-toi sur les choses qui sont bénéfiques pour toi, à ton niveau et à ton stade. Le cheikh, il dit donc, il mentionne ce verset-là, que les messagers, quand ils viennent à leur peuple, ils disent ça. Et il n'y a pas une nation, excepté que Allah leur a envoyé un messager qui les appelait à ça. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, « Kullu rasoul, hadihi da'watu, muharabatu shirk. » Tous les messagers d'Allah, c'est ça leur da'wah, c'est à ça qu'ils invitent les gens, de faire la guerre, de déclarer la guerre à l'idolâtrie, au shirk et au fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est ça, la da'wah des messagers. Et de combattre le shirk, et non seulement de combattre le shirk, mais de combattre tous les moyens qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas en eux-mêmes shirk, mais qui peuvent amener des gens à tomber dans le shirk. Comme par exemple, le fait de construire une grosse mausolée sur la tombe de quelqu'un, parce que c'était un roi ou parce que c'était un homme pieux, c'est peut-être pas shirk en soi, mais ça a été interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pourquoi ça a été interdit? Parce que avec le temps, les gens vont voir cette tombe, ils vont commencer à avoir de la vénération pour cette tombe. Parce qu'il se dit, s'il a été enterré dans ce genre de construction, et si on a fait ce genre de monument sur sa tombe, c'est sûrement parce qu'il avait quelque chose de spécial. C'est sûrement parce qu'il avait quelque chose de particulier par rapport aux autres êtres humains. C'est pour ça que l'islam nous a ordonné de niveler toutes les tombes. Et lorsqu'on regarde les cimetières des musulmans qui suivent la sunna, on ne retrouve aucune distinction entre la tombe d'un individu et d'un autre. Tous sont enterrés dans la terre et il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de quoi que ce soit dessus. Tout le monde est égal. Après la mort, c'est fini. Hein? Mais tu rentres dans les cimetières des juifs, tu rentres dans le cimetière des chrétiens, tu rentres dans le cimetière des chiens, tu rentres dans le cimetière des gens de Bid'a, tu trouves des tombes, tu trouves des constructions, tu trouves des... Il y en a qui sont des villes. Il y en a des cimetières qui sont devenues des villes. Il y a des gens qui habitent dedans. Ils ont branché l'électricité. Les pauvres, ils sont allés habiter dans ces tombeaux parce qu'ils n'ont pas trouvé de maison. Hein? Donc ça, c'est des exemples comment les gens sont déviés. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tawaf à ces tombes. Ils vont les adorer. Ils font des pèlerinages là-bas chaque année. Hein? Comme si c'était Mecca. Personne ne dit rien. Ces gens-là, ils ne sont préoccupés que par la politique. Hein? Quand tu vois 3 millions de musulmans chaque année qui vont à la tombe d'un wali pour aller sacrifier une bête, pour leur demander quelque chose de la dunya, hein? Et que les douats, de ces soi-disant douats politiques, ils voient ça chaque année et qu'ils disent rien, ils ne font rien pour combattre ce genre de choses-là. Il y a un problème. Ils ont contredit la voix des messagers. Donc c'est ça ce que le Cheville dit, l'adoration des tombes. Tenter le stéphane, tu nies les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiya, les Mu'tazila, qui mettent des doutes et des choubouhats dans le cœur des gens au sujet des noms et des attributs d'Allah. Al-Hulul, l'idée que Allah existe en certains individus, qu'il entre en certains individus, parmi les soufiyins qui ont cette aqid en Al-Hulul. Ou bien Wahdatul Wujud, l'idée que Allah est dans tout et que tout est Allah, comme Ibn Arabi et d'autres parmi les hérétiques, parmi les soufiyins. Hein? Donc tout ça c'est des exemples d'égarement. Le Cheikh il dit, tout ça c'est des exemples d'égarement. Et c'est des exemples du fait de suivre les pas du Cheikh. Alors comment tu peux laisser les gens suivre ce qu'ils veulent? Hein? Suivre le Cheikh et tu dis rien. Ils suivent leur ennemi, et toi tu ne leur clarifies même pas que ça c'est leur ennemi et que ça c'est un danger pour eux. Et tu te présentes toi-même comme étant quelqu'un qui fait la da'wah et qui est un da'iyah qui invite les gens à l'islam. Alors que c'est ça ton état, c'est ça ta situation. Et j'ai réfléchi, où est-ce qu'elle est ton amana? Hein? Est-ce qu'elle est ton sens de la responsabilité vis-à-vis de la charge et du dépôt qu'on a mis sur toi en tant que da'iya, si tu prétends être un da'iya. Tu vois ça et tu te tais, tu dis rien. Tu ne te donnes pas le nasiha. Où est-ce qu'elle est nusr? Le Cheikh dit, elle est nusr. Hein? Tu veux le bien pour les gens et tu leur dis même pas la chose qui est le plus grand bien pour eux. Quelle sincérité? Hein? Quelle est la sincérité là-dedans? Le Cheikh dit, la buddha ayyuha al-ikhwa min al-nasiha til muslimin. وتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال لا تأخذك في الله لومة لائم ولو كان من أقرب الأقربين ومن أحب الأحباء إليك وقع في خطأ أو وقع في ضلال تبين له تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة لأن سكوتك على الباطل تؤدي بالمساكين إلى الوقوع في حبائل أهل الباطل وفي اتباع خطوات الشيطان فيخرجون عن الالتزام الحق وعن الثبات على الإسلام والسنة. Donc le Cheikh il dit c'est nécessaire, il faut absolument, oh vous les frères, il faut absolument donner la nasiha, donner le bon conseil aux musulmans. Et pour qu'ils soient capables de distinguer entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement. Et il ne faut pas que tu te laisses prendre par que tu laisses le blâme des gens qui veulent te blâmer par le fait que tu veux clarifier la vérité. Il ne faut pas que tu laisses ces gens-là t'empêcher de dire la vérité. Tu ne dois craindre en Allah personne. Hein, dans cet aspect-là de la religion, du fait de dire la vérité et de clarifier la vérité pour les musulmans. Et peu importe qui va te blâmer, peu importe qui va te blâmer par la suite, ne crains personne à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet aspect-là. Peu importe, même si c'est les plus proches de toi, même si c'est les individus les plus proches de toi, même si ce sont les gens que tu aimes le plus, qui sont les plus aimés pour toi parmi tes amis, parmi tes frères, hein, lorsque l'un d'entre eux tombe dans une erreur ou dans un égarement, tu vas le voir et tu lui clarifies son erreur, et tu lui montres son erreur et tu lui donnes la nasiha avec la bonne exhortation et avec la sagesse, hein, la bonne manière. Parce que si tu te tais et tu dis « lui c'est mon ami, lui c'est quelqu'un que j'aime, lui c'est quelqu'un de bien » et que tu te tais sur son erreur, eh bien tu vas faire tomber beaucoup de gens dans l'erreur par la suite avec toi. Hein? Et vous, ils vont tomber par la suite dans les cordes et dans les pièges des gens de l'égarement et des gens de la fausseté. Et ils vont tomber par la suite dans les pas du shaitan et ils vont par la suite sortir de la voie de la vérité et de la fermeté sur le fait de s'accrocher à l'islam et à la sunna. كيف يثبت على الإسلام والسنة والشبه تكتنفه من كل أرجاء الدنيا ومن حواليه وأنت لا تبدد هذه الشبهات ولا تبين أنها من خطوات الشيطان كل هذه من خطوات الشيطان هذه الشبهات البدعية والكفرية والشهوانية كلها من خطوات إبليس اللعين فعلينا أن نحذرها أن نحذرها ونحذر المسلمين ونحذر الناس منها ونحارب هذا العدو وجيوشه وجنوده من أهل الباطل والضلال فإن للشيطان جنودا من الإنس والجن قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هؤلاء شياطين وهذه الوساوس والشبهات يقذفها جنود إبليس على المسلمين والمساكين والضعفاء ضعفاء العقول وضعفاء النفوس فيتخطفونهم بهذه الشبهات الشيطانية فلا بد من بيان الإسلام كافة ما نترك شيئا للشيخ الزي كما les gens pourraient rester fermes sur l'islam, en particulier les jeunes. Comment ils pourraient rester fermes sur l'islam et s'accrocher à l'islam, alors que les shubuhat leur sont lancés de tous les côtés, hein, par à travers le monde, surtout avec l'internet aujourd'hui. Et le malheur, c'est que les jeunes, on dirait, subhanallah, ils courent après ces shubuhat. On dirait qu'ils les recherchent. Et ils courent derrière ces shubuhat, au lieu de rester loin et de se protéger leur cœur contre toutes ces tentations et ces doutes et ces ambiguïtés. Hein? Et de rester loin, parce que de toute façon, ils n'ont pas à courir derrière ça. Mais malheureusement, c'est ça ce qu'ils cherchent. Ils ont soif de ça. Et ils ont un gros appétit pour ça. Quand ils voient une fitna, au lieu de s'enfuir, ils courent vers cette fitna pour essayer de rentrer dedans. Hein? Alors qu'ils devraient prendre leurs pieds à leur coupée, s'enfuir le plus loin possible et s'accrocher aux choses qui sont connues et qui sont fermes de la religion. Il y a des choses qui sont établies, qui sont fermes dans le Coran et dans la Sunna, parmi les bases et les fondements de ce manhaj. Elles sont connues. Tu t'accroches à ces choses-là. Pourquoi tu as besoin de courir à gauche et à droite et de suivre les fitans et les shubuhat? Donc le cheikh, il dit pas, tu vois, que les choubouhats sont lancés de tous les côtés, tu dois clarifier ça pour les gens, parce que ça c'est les pas et les sentiers du shaitan. Tous ces sentiers du shaitan, que ce soit dans les bid'ahs, hein, que ce soit dans les aspects qui rentrent dans des choses de kufr, ou bien des choses qui rentrent dans les aspects des désirs et des tentations, toutes ces choses-là sont parmi les choses qui font partie des chemins et des voies du shaitan, Iblis al-la'in. Et donc, on doit avertir les musulmans contre ces différentes voies du shaitan, et on doit combattre cet ennemi et ses armées et ses régiments et parmi les gens de l'égarement et parmi les gens de la fausseté. Parce que le shaitan, il a des alliés, il a des régiments, il a des aides, il a des gens qui les aident. Et c'est pas seulement parmi les djinns, même parmi les êtres humains. Tous ceux qui obéissent au shaitan, parmi les êtres humains, sont des shayatins aussi. C'est pas juste les djinns qui sont des shayatins. Et les shayatins, êtres humains, ils sont plus dangereux, même que les djinns shayatins. Alors, ce qu'on appelle, il dit dans le verset 112, dans Surat Al-An'am, et c'est ainsi que nous avons fait, ou bien que nous avons mis comme ennemi pour chaque prophète, un ennemi parmi les shayatins, un ennemi parmi les diables humains et les diables du djinn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque prophète, il leur a mis un ennemi parmi les djinns, ou bien un shaitan parmi les djinns, ou un shaitan parmi les humains, les deux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent mutuellement et trompeusement des paroles enjolivées. Ils s'inspirent mutuellement des paroles enjolivées pour tromper les gens. Hein? Voilà où شاء ربك ما فعلوه. Et si Allah n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Si ton Seigneur n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors laisse-les et ce qu'ils inventent. Laisse-les et ce qu'ils inventent. Le shaitan ne va pas venir, et ses alliés, ils ne vont pas venir te voir pour te dire, je suis le shaitan, je viens pour t'égarer. Hein? Sinon, bien entendu, on aurait été au courant, puis on se serait détourné. Mais il vient avec des paroles enjolivées. Zofrof al-Qawl. Hein? Il te fait paraître, tu utilises des belles paroles, des belles choses. Quand tu l'entends, tu dis waouh! Hein? C'est incroyable. Hein? C'est des paroles enjolivées. Et il te dévie du droit chemin avec ces paroles-là. Tu entends ça, tu dis non, ça c'est fort, ça c'est trop fort. Et pourtant, c'est des paroles d'égarement. Parce que c'est contraire à la révélation. Hein? Et le cheikh, il mentionne le verset, la sourate An-Nas. قل أعوذ برب الناس. Je cherche le refuge en le Seigneur des hommes, le maître, le roi des hommes, et la divinité des hommes, celui que les hommes adorent. من شر الوسواس الخناس. Contre le conseiller, le mal du conseiller furtif. Hein? Celui qui souffle le mal dans le cœur des hommes, parmi les djinns et parmi les hommes. Donc il y a des gens qui viennent, qui sont des conseillers furtifs, c'est des mauvais conseillers, des shayatins. Ils viennent t'insouffler des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises choses, des mauvaises suggestions dans ton cœur, dans tes oreilles, hein, pour te dévier du droit chemin. Et c'est pas seulement parmi les djinns, même parmi les êtres humains parfois. Hein? Mais parfois, même, des fois, c'est-à-dire entre frères, il y a des gens parfois qui viennent et te suggèrent des choses, c'est des choses mauvaises. Et les femmes entraînent également la même chose. Il y a des sœurs qui disent des choses à d'autres sœurs pour les conseiller, mais c'est des mauvais conseils parfois. C'est des conseils d'égarement. Il faut faire attention à ça. Et donc, le cheikh dit « وَهَاُولَاءِ الشَّيَاطِينَ وَهَذِي الْوَسَاوِسُ وَالشُّبُهَاتِ يَقْذِفُهَا جُنُودُ إِبْلِيسِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينَ » Le shaitan, c'est shaitan, c'est shayatin, et c'est ces souffles-là, ces inspirations que le shaitan vient insouffler chez les gens, il les lance lui-même ainsi que ses armées contre les musulmans, parmi ceux qui sont faibles, parmi ceux qui sont faibles dans leur raison ou qui sont faibles dans leur âme, hein, et il les accroche avec ces suggestions-là, et ça, ce sont des choubouhats diaboliques. Et donc, il est obligatoire pour les musulmans de clarifier ces choses-là, de clarifier l'islam en entier pour les musulmans, et de ne rien laisser. Et nous, les musulmans, ici, en Occident, en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, on a un grand manque dans la connaissance de l'islam. Et c'est normal que si notre connaissance elle est limitée de l'islam, comment on peut prendre l'islam en entier si on ne le connaît pas comme il faut? C'est très difficile. Donc on a besoin, première chose, de science, d'études. Hein? Quand tu veux, par exemple, connaître n'importe quelle autre science dans la dunya, même si tu veux apprendre à faire du pain, il faut que tu étudies, il faut que tu apprennes. Hein? Et bien cette dîme, cette religion, c'est la même chose. Hein? Et comme une fois Cheikh Al-Albani me posait la question, Allah, me posait des questions à des frères qui venaient d'un pays musulman. Il dit, est-ce que vous avez des médecins dans votre pays? Les frères ont répondu, oui, on a des médecins dans notre pays. Est-ce que vous avez le nombre suffisant? Il a dit, non, c'est pas suffisant. Il a dit, combien vous avez d'ulama dans votre pays? Il a dit, on n'a pas d'ulama. Alors, subhanallah, si les médecins ne sont pas suffisants, alors imaginez si on a besoin des médecins, c'est important pour les corps, pour guérir notre corps quand on est malade. Mais pour guérir nos âmes et pour guérir notre vie dans notre adoration et dans notre religion, ça c'est encore plus important. Et on n'a pas la quantité qu'il faut. C'est pas sans ulama qu'on a besoin, ou des gens qui ont étudié l'islam. Maintenant il y a quelques frères qui font la da'wah, qui reviennent des universités puis qui font un peu de da'wah, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'encore plus que ça. Inch'Allah, si dans chaque ville il y avait 10, 15, 20, 30, 50 talib ilm, hein, qui donnent des durous et qui expliquent aux musulmans leur religion, ça serait pas peut-être assez, le nombre serait pas encore suffisant. Donc il ne faut pas se dire ça, rien, c'est suffisant, il y a des frères qui sont partis, il y a un frère qui est à Makkah, il y a un frère qui est à Médine, il y a un frère qui est ici, ça. C'est pas suffisant. On a besoin de plus de gens qui vont étudier l'islam, qui vont revenir pour enseigner aux musulmans leur religion, et plus la science va augmenter, plus la compréhension des musulmans va augmenter, plus leur attachement va augmenter, et plus les gens de bid'a vont se cacher, et plus les gens de l'égarement vont disparaître. Parce que les gens de l'égarement, c'est comme ça. Quand il fait noir, ils viennent, parce qu'il n'y a pas de science. Mais quand tu allumes la lumière, ils se cachent, ils disparaissent. Et cette lumière, c'est la science. Hein? C'est la science de l'islam, et c'est ça ce qu'on a besoin à notre époque. Tous les problèmes qu'on a entre nous, toutes les choses, une grande partie de ces problèmes-là, c'est à cause du manque de la connaissance qu'on a entre nous. Hein? Et donc, on doit faire des efforts pour augmenter notre connaissance et notre compréhension, pas seulement de certains aspects. En premier, bien entendu, l'aqida, le manhaj, les bases, ça c'est le fondement, mais également de tous les autres aspects de l'islam et de la charia. Je vous donne juste un exemple, hein, c'est en dehors, mais quand même, juste un exemple. À Montréal, il y a beaucoup de juifs. Et les communautés juives qui sont venues habiter à Montréal, ils ont émigré en communauté, avec leurs rabbins, avec leurs trucs. Ils ont tout, tout est organisé, ils ont leurs écoles et tout. Donc, quand ils ont un problème, ils retournent à leurs rabbins, à leurs chefs religieux et tout, ils leur expliquent, voici, vous devez faire ça, ça, ça. Les musulmans, ils sont émigrés ici, ils ne sont pas émigrés de façon organisée. Et ils n'avaient pas un alim avec eux qui les dirige et qui les guide, et qui leur montre le halal et le haram, et qui leur explique les problèmes qui peuvent arriver dans leur religion. Non, ils sont venus ici comme ça, avec leur sac et tout. Ils se sont installés famille par famille, hein, groupe par groupe, pour travailler, pour avoir de la dunya et tout. Hein. Et puis par la suite, ils sont établis comme vous connaissez l'histoire mieux que moi. Hein. Mais c'est pour dire, eux, regardez comment ils sont installés, regardez-nous. Nous, on sait déjà à la base, on n'a pas le droit de s'établir ici, de vivre ici de cette manière. Mais une fois que le mal est fait maintenant, il faut voir à réparer ce mal du mieux qu'on peut. Hein? Et donc, une des grandes parties qui va aider à régler notre problème, c'est d'acquérir cette science, cette compréhension et cette connaissance de notre religion, et d'avancer, et d'enseigner, et d'appliquer, et de travailler pour réduire les problèmes. Et puis, Inch'Allah, ceux qui sont capables de se sauver avec eux-mêmes, leur famille, leur religion, qu'ils se sauvent, ça c'est pour leur bien. Hein? Mais pour les autres, qui ne sont pas capables de se sauver tout de suite, en attendant, ils restent pour enseigner aux autres, hein? Pour faire le bien autour d'eux. Donc ça c'est des exemples. Le Cheikh il dit, « Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. » وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô toi, messager, ô toi le messager, Allah s'adresse au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement. Il lui dit, transmets ce qui a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. Et Allah va te protéger contre les gens. Wallahu ya'simuka minan nas. Hein? Il ne faut pas avoir peur dans la protection de la religion d'Allah et dans le message d'Allah. Parce que Allah va te protéger contre les gens. Comme Allah il dit au messager, Wallahu ya'simuka minan nas. Sois sincère, ne dépasse pas les limites d'Allah, parce que si tu dépasses les limites d'Allah, là tu vas avoir des problèmes. Si tu n'as pas des problèmes dans la dunya, tu vas avoir des problèmes dans l'akhirah devant Allah. Mais, si tu restes dans les limites d'Allah et que tu as des problèmes par la suite, n'y sois pas endurant, parce que les messagers avant toi, ils ont eu des problèmes aussi. Mais reste confiant que Allah va te protéger. Hein? Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Allah ne guide pas les gens mécréants. Les gens qui rejettent, les gens qui aiment le kufr. والعلماء ورثة الأنبياء عليهم أن يقوموا بتبليغ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من كل ما حذر منه محمد صلى الله عليه وسلم ولا ندخل في السلم كافة ولا نخالف خطوة الشيطان إلا بهذا. وعلى هذا ثبت أئمة الإسلام الناصحون يبيعون أنفسهم لله ولا يخشون في الله لومة لائم ويبينون للناس الحق في صغيره وكبيره وجليله ودقيقه لأن الله أخذ عليهم الميثاق أن يقوموا بالبيان وأخذت عليهم العهود والمواثيق أن يبينوه للناس ولا يكتموا منه شيء. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الشيخ الزين les prophètes, pardon, les ulama sont les héritiers des prophètes et ils ont le devoir de prendre la responsabilité de transmettre tout ce qui est venu de la part du messager et d'avertir contre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas le choix d'avertir dans certaines choses et de ne pas avertir dans d'autres. Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'avertir à propos de tout ce qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de prendre la religion en entier. Donc, la même chose pour nous, et la même chose pour les ulama, quand ils transmettent et qu'ils renseignent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur responsabilité c'est d'avertir contre tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti, sans faire de distinction, hein, sans faire de choix, de trier. Il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent pas de certaines choses et qui ne veulent pas clarifier certaines choses. Hein, parce qu'ils ont peur parfois, mais c'est nécessaire d'expliquer tout de la religion pour ne pas tomber dans les fétanes, pour ne pas que les musulmans tombent dans l'égarement. Parce que si tu te tais par crainte et que tu caches la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, imagine le mal qui va arriver aux musulmans par la suite à cause de ton silence. À cause de ton silence. Donc ça, c'est important aussi de savoir clarifier la vérité aux musulmans, tout c'est nécessaire. Surtout quand tu vois que des gens mentent à propos de la religion d'Allah sur certains aspects. Et qu'il n'y a personne qui clarifie la vérité. Dans ce temps-là, si tu sais que tu es capable de clarifier et d'expliquer aux gens la vérité sur ces choses-là, alors prends la responsabilité, demande l'aide d'Allah et clarifie la vérité. Pour que les musulmans ne restent pas dans l'ignorance et ne tombent pas dans l'égarement sur ces sujets-là, au sujet desquels il y a des ambiguïtés ou des choses qui ne sont pas claires. Et le chef, il dit, et si tu ne peux pas entrer dans l'islam en entier, et tu ne peux pas contredire les voies du shaitan sans faire cette chose-là. C'est-à-dire sans le fait d'avertir contre tout ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti. Et il dit, et c'est pour ça qu'il y a eu des imams dans l'islam qui ont été sincères et qui se sont donnés eux-mêmes à la cause. Hein, ils ont sacrifié leur personne. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne craignent personne, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ils clarifient la vérité pour les hommes, que ce soit dans les choses qui sont petites ou dans les choses qui sont grandes, hein, ils clarifient tout ce que les gens ont besoin de savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont pris ce contrat et ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de clarifier la religion pour les hommes. Et on a pris ce contrat et cette entente avec eux de clarifier et de ne rien cacher. Comme Allah SWT il dit dans le verset 159 dans Surat al-Baqarah, ceux qui cachent ce qui a été révélé, ce qui a été révélé de des signes évidents et des preuves claires et de la guidance, une fois qu'elle a été clarifiée pour les hommes dans le livre et ils cachent ces choses-là, ceux-là Allah les maudit. Et ceux qui maudissent les maudissent également. Hein? Donc, il faut rien cacher de la religion d'Allah. وأفطر أهل الأهواء يا إخوتاه الذين يلبسون لباس السنة والسلفية وهم ينطوون على أشياء غيرها فهؤلاء أفطر الناس على دين الله وأكثرهم تلبيسا وتشبيها على الناس فيجب الحذر والتحذير منهم ووالله ما اجتاحوا شبابنا في هذه البلاد إلا بهذا اللباس المزيف لأن أهل الباطل جربوا وناطحوا صخرة السلفية فتكسرت قرونهم فلجأوا إلى هذا الأسلوب الماكر وهو التزي بزي السلفية والدعاء السلفية والفطناء يدركون أن هذا لباس مزيف وليس لباسا صحيحا أبدا والدليل الواضح أن هذا لباس مزيف لاصطياد البلهاء فالذي عنده فطنة يعرف أن المنهج السلفي يدرك حقيقة أمر هؤلاء وأن لباسهم هذا كاذب مزيف للتضليل واجتاحوا شبابا كثيرا لهذا المكر والدهاء لشيخ الدين Et les plus dangereux parmi les gens de la passion, oh mes frères, ce sont ceux qui ont mis ce vêtement de sunna, cette apparence de salafia, et qui font rentrer dedans ce qui n'en fait pas partie. Et ceux-là sont les plus dangereux pour la religion d'Allah. Et c'est eux qui font le plus de talbis, hein, et de shubuhat pour les gens. C'est eux qui mélangent plus les gens en ce qui concerne la vérité et le faux. Parce qu'ils donnent l'apparence de la salafia, mais ils mélangent avec la salafia des choses qui n'ont rien à voir avec elle. Hein? Donc le cheikh il dit, il faut faire attention et avertir les gens contre ces gens-là. Parce que par Allah, ils n'ont pas réussi à envahir les jeunes de ce pays, excepté par cette fausse apparence de salafia. Parce que les gens du mensonge, le cheikh il dit, ils ont fait l'expérience, ils ont essayé de frapper le rocher de la salafia avec leurs cornes, et ils ont vu que leurs cornes se sont cassées, parce qu'ils ne sont pas capables de l'affronter par l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ces méthodes de ruse. Alors ils ont pris cette apparence extérieure de salafia, et ils ont pris le vêtement de la salafia et de se prétendre salafia, d'être sur la salafia, et puis ils rentrent dans la salafia, ce qui n'en fait pas partie. Et les gens intelligents, ils doivent faire attention et comprendre cette fausse apparence. Hein? Ce n'est pas un vêtement, c'est pas une chose réelle. C'est juste une apparence. Donc, le cheikh, il dit, et la preuve de ça, c'est qu'il cherche et il chasse les gens faibles d'esprit, les gens qui ont peu de compréhension. Tandis que les gens qui ont une connaissance et qui connaissent la réalité du manhaj salafi, ils savent la réalité de cette chose-là. Et ils savent que cette apparence et ce vêtement qu'ils portent est une fausse apparence. Et c'est pour égarer les gens. Vous avez des gens parmi les groupes de Hizbiyyin, ils se présentent comme étant des salafis, comme les Qutbiyyin, les Sururiyyin et d'autres, qui appellent à toutes sortes de bid'ah et qui mélangent les gens tous ensemble. Ils vous montrent, ils disent, ils se présentent, ouais, ouais, la salafia et tout. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir. Et ils utilisent ça comme une ruse. Naam. Donc, le cheikh il dit, فنسأل الله أن يبصر شبابنا فيدرك الناصحين الصادقين الذين يريدون لهم الخير في الدنيا والآخرة ومن لا يبالي بهلاكه يكسبه إلى صفه ويسخر لأغراضه وشهواته. نعم دونك يعني pour compléter يعني c'est dommage parce que Un complet? Ok. Barakallahu fiik. طيب. فنسأل الله أن يبصر شبابنا فيدرك المعصحين الصادقين الذين يريدون لهم الخير في الدنيا والآخرة ومن لا يبالي بهلاكه ويكسبه إلى صفه ويسخر لأغراضه ويسخر لأغراضه وشهواته ولا يبالي به في أي واد هلك بينما هذا الناصح المسكين تقذف إليه الشبه ويرمى بالمهلكات من أولئك الماكرين فتنطلي هذه الأمور على المساكين المخدوعين يا إخوة كتاب الله تعالى بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وبيان الصحابة وعلمهم وواقعهم وتاريخهم وعقائدهم كلها تشهد لهذا المنهج السلفي بأنه دين الله الحق وأفضل ميزان للثبات على الحق والالتزام بالحق وأن تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من أنا قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا ميزان لكل إنسان هل هو على الحق أو الباطل هل هو على الحق أو الباطل ولهذا يجب أن يعرف الإنسان الحق وأن يكون من أهل الحق وأن يكون معتصما بحبل الله وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لكتاب الله مهتديا بهديه هذا ميزان كتاب الله هذا الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا إلا على القرآن والسنة ما عندهم شيء آخر غير هذا خذ هذا الميزان وزن به نفسك وزن به الطوائف والأشخاص تدرك الحق إن شاء الله وإن أخلصت لله عز وجل أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعبة لأهل الأهواء أهل الشبهات وأهل الشهوات إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العبثين الشيخ التعمين cette رسالة en demandant à Allah سبحانه وتعالى qui donne à nos jeunes la clairvoyance et la compréhension hein, et pour qu'ils puissent savoir qui sont ceux qui sont les vrais conseillers sincères qui leur veulent du bien dans cette dunya et dans l'akhirah de ceux qui n'ont aucun intérêt pour eux que de les ramener de leur côté dans leur rang et de se moquer d'eux pour des intérêts personnels ou pour suivre leur passion et qui n'ont rien à faire avec la réalité de leur destination, qu'est-ce qui va leur arriver, dans quel point ils vont périr. Hein? Donc cette personne-là, ce miskin, il se fait attraper par ces choubouhats et par ces choses-là, de la part des gens qui utilisent toutes sortes de ruses pour tromper les jeunes. Et donc ça c'est très dangereux, il faut faire attention. Et donc c'est pour ça que le chef il dit, on demande à Allah de donner aux jeunes cette clairvoyance et cette compréhension-là. Et il dit, oh mes frères, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est là entre nos mains. Et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est là également entre nos mains. Et la clarification des sahaba, de même que leur compréhension et la réalité de ce qui est arrivé entre eux et la réalité de leur histoire et de leur croyance, tout ça, c'est un témoignage pour nous de la véracité de ce manhaj salafi, hein, qui est la religion d'Allah, la religion de vérité. Et c'est la meilleure balance pour être capable de juger. Hein, et pour rester ferme sur la vérité et de s'accrocher à cette vérité et pour que tu sois sur ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait de même que ses compagnons radiallahu anhum lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des groupes et des sectes il a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette umma allait se diviser en 73 sectes et il a dit qu'elle serait tout en enfer excepté une. Alors, ils ont dit, Laquelle est-ce, ô messager d'Allah? Et il a répondu, c'est ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc le cheikh il dit, ça c'est la balance pour chacun d'entre nous. C'est ça la balance pour chacun d'entre nous pour savoir est-ce que je suis sur la vérité ou est-ce que je suis sur le faux. Donc c'est obligatoire pour chaque personne de savoir la vérité et d'être sur la vérité et de faire partie des gens de la vérité. C'est une obligation à chaque, pour chacun d'entre nous. Et le cheikh il dit, c'est obligatoire également d'être accroché à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se guider et de prendre comme référence pour être bien guidé, de prendre cette balance-là, c'est-à-dire le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum, لم يكن إلا على القرآن. Parce que les Sahaba ils n'ont rien suivi d'autre que le Coran et la Sunna. Ils n'avaient rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Rien. C'était le Coran et la Sunna. Donc prends cette balance et balance. Mets-toi dedans. Pèse-toi toi-même dans cette balance. Hein? Le Coran et la Sunna et la voie des salafs. Mets-toi toi-même dans cette balance pour savoir est-ce que tu es dans la vérité ou non. Et mets tout le monde dans cette balance, que ce soit les groupes, que ce soit des individus, que ce soit autre chose, organisation, peu importe, mets tout le monde dans cette balance. Hein? Et tu vas trouver la vérité, Inch'Allah. Si tu es sincère envers Allah, tu vas trouver la vérité. Mais si tu n'as pas cette balance, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. Hein? C'est que quand on a une limite ou un manquement dans la connaissance de cette balance, c'est là qu'on s'égare. Parce que comment tu veux savoir si tu es sur la vérité si tu ne connais pas la Sunna et si tu ne connais pas le Coran comme il faut, hein? Et si tu ne te réfères pas à ceux qui ont la connaissance pour le comprendre et pour le connaître. Et donc c'est là que les gens qui n'ont pas cette base-là, ils deviennent des jouets dans les mains des gens de passion, des gens de bid'a. Hein? Et si tu deviens un jeu pour ces gens-là, un jouet dans leurs mains, alors là, les gens de Shubuhat et les gens de Shahawat, ils vont te prendre, ils vont te faire te perdre. Tu vas te perdre. Hein? Tu vas perdre cette balance et tu vas te perdre toi-même et tu deviens un jouet dans les mains de ceux qui veulent égarer les gens. Donc, on vient de terminer cette risala, alhamdulillah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser notre cheikh, le cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, et de prolonger sa vie et de faire en sorte qu'ils puissent profiter encore longtemps la Ummah et les musulmans et qu'on puisse tous profiter en même temps de cette nasiha et de cette parole de lumière que le cheikh il nous a laissé dans ce livre et qu'on puisse le comprendre et l'appliquer le mieux possible. Hein? Donc, barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.